C'est l'heure de retrouver Pépito Quiz. Bonjour les amis. Bonjour. Non. Salut. Salut. Merci. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar atroce. J'étais Daniel Auteuil et toutes les semaines, je jouais dans le remake des Sous-Doués. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'étais éveillé et que je repensais juste à ma saison dans la bande originale. Que le CSA surnomme l'émission Tuche. En hommage à Tuche pas mon puste. Non, elle est pas de moi cette vanne. Elle est Jean-Baptiste, notre rédacteur en chef, qui aime les jeux de mots parce qu'il faut se sent seul. Faut laisser tomber. Ouais, c'est compliqué. On mettra sa photo sur le site de l'émission et vous comprendrez tout. Mais bon, je vous aime bien quand même malgré la quantité inouïe de MST que vous ramenez dans cette émission, comme si c'était des enfants en bas âge. Je voudrais adresser quelques remerciements pour ma toute dernière chronique de l'année. Non, de la vie. De la vie, je pense. Aussi. Merci à Nagui, qui n'est pas des nôtres aujourd'hui parce qu'il a décidé de se consacrer full time à ses plantations de coca. Très futé, faire croire qu'on est en Russie alors qu'on est à Bogota pour négocier la libération d'une de ses mules. Merci à Nagui, grâce à qui j'ai retrouvé le sommeil. Aussi, au lieu de compter les moutons, désormais, dans ma tête, je me repasse ces questions. Alors, arrivé au neuvième verbe, je suis déjà dans mon sommeil paradoxal. Tremble l'industrie du somnifère. Merci aussi à mon ami Albert Algou et sa camionnette Bâché Cuir, qui fait aussi palais de justice, club maître de fortune et abattoir pour animaux prépubères. Albert Algou et son personnage de Père Albert, qui a su faire finalement de la pédophilie une discipline, somme toute, assez cool finalement. Mais je peux te ramener après l'émission. Et dont on peut faire ouvertement la promotion dans cette émission. À sa décharge, notre public est tellement loin de l'enfance en général ici que personne ne risque rien, clairement. Revenez l'année prochaine, Albert, avec un personnage gérontophile. On verra si ça fait autant marrer les gens dans le studio. Ah, peut-être. Aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Il y a un feu à Chatterton, parce que ça fait du bruit. Merci à Tanguy Pastureau aussi, qui a atteint la barre symbolique du million de vannes. Il a déjà fait deux autres chroniques cette semaine. Vraiment. Tanguy qui a vidé l'océan de toutes les blagues. Vraiment. C'est un chalutier japonais. Moi, je suis un pédalo. J'ai ramené du plastique et un soulier. Voilà, bon. Merci aussi à Alison Wheeler. Oh. Vraiment, je rappelle que parmi les 10 membres de l'équipe studio, seuls 3 sont titulaires d'un utérus. Et à la décharge de France Inter, c'est une émission qui a été conçue avant l'affaire Weinstein. On ne savait pas l'égalité de ce truc-là. On compte double, non. Ouais, tous ces trucs de junkie. En parlant de junkie, merci aussi à Leïla Kadour-Boudadi. Voilà une femme sublime, brillante, sensible, élégante, intègre, cultivée, engagée, qu'on associe ce matin à quelqu'un comme Daniel Morin. C'est le coup du ketchup dans le caviar. C'est vrai. Elle est délicate. Lui, il mange des reptiles. Elle a été à l'école. Lui, peut-être. Pas savoir. On ne sait pas. Hein, c'est difficile. Elle sent bon, lui. Il sent Daniel. Alors, merci à Daniel Morin. Daniel Morin, l'homme grâce à qui Tex garde encore espoir aujourd'hui. Il écoute Daniel, il dit « Je reviendrai, tout est possible ». Blague à part, merci Daniel vraiment d'avoir enduré toutes mes blagues cette année. Qui aime bien, châtie bien, je crois qu'on peut pas dire mieux. Tu m'adores. Merci et je veux dire à tous les gens qui m'ont demandé vraiment sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est vrai ce que vous dites sur l'hygiène de Daniel Morin. C'est vrai. Sachez que oui, et encore j'ai du corps. Allez, à l'année prochaine, merci à l'équipe studio, à l'équipe derrière et à Delphine en particulier. Et à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Bravo Guillermo. La bande originale. Tu es toujours en spectacle? Tant mieux. Non, mais c'est parfait. Et merci à toi. L'année prochaine au Bataclan, bien sûr, on va pas te louper, mon chéri.